me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le chroniqueur ottoman Charnezade Efendi a-t-il ottomanisé, adapté, plagié, transformé l'article « Histoire de Voltaire » ? Quel usage des exemples du philosophe des Lumières fait-il ? Demande l'historien turc Edem Eldem. Nous n'avons pas de portrait de Charnezade, et l'une justement des obsessions de l'historiographie turque, c'est-à-dire l'historiographie de la République de Turquie dans sa vision de l'Empire ottoman, était d'essayer de se créer les instruments d'une visibilité comparable à celle de l'Europe. Et que par conséquent, bien des acteurs de la modernité ottomane ou du pouvoir ottoman ont été, malgré l'absence de toute image, ont été réinventés. Voici un buste de Houdon représentant Monsieur de Voltaire. Sacha Guitry. Cruel, sceptique, aigri, maussade et parfois sans pitié, pestant, rageant et blasphémant, tel fut ce philosophe, assez peu philosophe pour regarder la vie avec indifférence. D'ailleurs, un homme pareil ne se discute pas. Car M. de Voltaire est un fait historique. Voltaire fut statufié de son vivant. Une souscription nationale s'était ouverte à ce propos. Il dit alors, c'est une fort bonne idée, car c'est un encouragement à l'étude de l'anatomie que de souscrire à la statue d'un squelette. Enfin, blasphémateur ou non, lorsque Voltaire sentit venir la mort, il écrivit ces mots qui sont restés fameux. Je meurs adorant Dieu, aimant mes amis, sans haine pour mes ennemis et détestant la superstition. Grand spécialiste du monde ottoman, professeur à l'université du Bosphore, Edem Eldem a été nommé pour 5 ans titulaire d'une nouvelle chaire internationale du Collège de France, consacrée à l'histoire turque et ottomane, qu'il aborde selon 2 axes majeurs, les processus de modernisation et les rapports avec l'Occident. Comment le plagiat de Charnezade Efendi témoigne-t-il des tiraillements des Ottomans face aux Lumières ? Depuis le cours précédent, Edem Eldem nous plonge dans une stimulante analyse de textes comparés. Pour l'historien turc, et je le cite, « ce cas très particulier met à nu certaines questions fondamentales, à commencer par la faiblesse de l'historiographie ottomane et turque, qui a tout ignoré de cette généalogie textuelle pendant près de 2 siècles. Plus encore, la méthode de Charnezade illustre certaines faiblesses intrinsèques de l'occidentalisation ottomane, notamment le désir de s'inspirer de l'Occident sans avoir à en assumer les implications intellectuelles et idéologiques. De toute évidence, poursuit l'historien, fasciné par le texte de Voltaire, mais ne pouvant ni ne voulant le plagier tel quel, Charnezade avait opté pour une demi-mesure qui en gardait la forme tout en le dénaturant dans le sens. Cet opportunisme utilitaire restera une des caractéristiques principales de l'occidentalisation ottomane et turque pendant les 2 siècles à venir. Alors comment faire la généalogie des textes dans l'Empire ottoman? Y a-t-il eu de nouveaux savoirs introduits ou s'agit-il d'un processus de transformation? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France les 9 et 16 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui, vers de nouveaux savoirs et les défis du nouvel ordre. J'avais terminé ma dernière séance sur la question de comment Shah Nizadeh Mehmed Ataullah Efendi en était venu à copier, plagier, s'inspirer de Voltaire et de son article dans l'encyclopédie pour se créer une introduction, une préface, une mukaddime, comme on disait en turc, mukaddima en arabe. Et là, il y a une connotation sur laquelle je reviendrai en relation avec, bien sûr, Ibn Khaldoun. Donc la question était de savoir comment, pourquoi cet intellectuel ottoman, cet historiographe, ce chroniqueur de l'Empire, en était venu donc à s'inventer une préface qui était très fortement inspirée de Voltaire. Je vous avais expliqué comment, une fois le doute installé, j'avais vérifié par simplement un peu de travail sur le web, j'avais vérifié pour savoir de quelle inspiration il pouvait bien s'agir, et que j'étais tombé, grâce à Gallica, le moteur de recherche de la Bibliothèque nationale de France, j'étais tombé sur Voltaire. Donc c'était une découverte, puisque jusqu'ici, personne n'avait évoqué le moindre rapport entre cette introduction, cette préface de Shah Nizadeh Ataullah Efendi et le texte de Voltaire. Donc quelques références qui m'avaient mis la puce à l'oreille en me suggérant que c'était un texte dont il était peu vraisemblable qu'il fût sorti de la plume d'un ottoman. Et en disant cela, bien sûr, je flirte avec l'un des cauchemars de l'historiographie, l'orientalisme. Parce que quand on part d'une prémisse qui dit que les Ottomans ne sont pas capables de telle ou telle chose, et que cette telle ou telle chose a un rapport avec l'Occident, avec la modernité, c'est un terrain extrêmement glissant qui peut à tout moment aller dans le sens de ce spectre de l'orientalisme, ce crime contre l'histoire, ce crime contre l'Orient, et je parle, n'est-ce pas, de l'orientalisme dans le sens saïdien du terme, et non pas le sens traditionnel de simplement l'érudition qui a pour objectif l'Orient. Et évidemment, j'ai sur bien des collègues étrangers, enfin non turcs, un avantage de taille, c'est que je suis turc, et que par conséquent, je peux me permettre des crimes contre la turcité, contre les Ottomans, contre la perception de l'Empire ottoman que d'autres auraient probablement du mal à se permettre. Donc, dans le cas de Shah Nizadeh, je m'en suis donné à cœur joie en posant la question de savoir si c'était simplement un plagiat ou si c'était un début des Lumières. N'oublions pas que le souci premier de Voltaire n'est pas de relater l'histoire du monde ou l'histoire de l'Europe, mais de proposer une lecture critique de l'histoire. Et pour le mangeur de curé qu'il est, le déiste qu'il est, évidemment, une des priorités, c'est de se défaire de tout ce qui est, entre guillemets, superstition. C'est-à-dire l'histoire religieuse, l'histoire fondée sur une compréhension biblique des événements. Côté Shah Nizadeh, l'histoire se divise en deux parties. L'une est l'histoire sacrée, qui est fondée sur les saintes voies de Mahomet. Alors là, le ton est complètement différent. Alors que Voltaire est en train de tout simplement évacuer l'histoire religieuse religieuse en disant qu'il ne toucherait point à cette matière respectable, Charles-Nizindé, apparemment complètement imperméable au sarcasme de Voltaire, va au contraire expliquer très clairement ce qu'est l'histoire religieuse. Charles-Nizindé, parce qu'il se sent obligé de consacrer, de sacraliser et de confirmer la validité de l'histoire religieuse, se voit dans l'obligation de parler de l'autre histoire, l'histoire profane, l'histoire publique, parce que il le faut, puisque il a déjà énoncé l'histoire religieuse comme étant une histoire digne de foi. Alors là, déjà, vous avez quelque chose qui n'est plus de l'ignorance, de l'omission, etc. C'est un rajout. Et c'est une modification, une distorsion qui sont tout à fait conscients. C'est un apport de l'auteur pour rendre ce texte idéologiquement compatible. Il n'est plus intéressé par la question de savoir si ses lecteurs vont comprendre de quoi il s'agit, etc. Là, il comprend parfaitement et il sait qu'il ne doit pas se distancer de ce qui est l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'islam comme étant la source de toutes les vérités. Autre exemple qui va exactement dans ce sens, petit paragraphe, petit passage de Voltaire, « Toute histoire est récente, il n'est pas étonnant qu'on n'ait point d'histoire ancienne, profane, au-delà d'environ 4000 années. » C'est justement cette découverte de l'ancienneté des autres civilisations. Il réalise que les instruments de l'historien sont encore incapables d'aller au-delà d'une certaine limite par manque de documentation, etc. Et les exemples qu'il donnera de cela sont en général des exemples égyptiens. Charles-Nizindé reprend cette idée, mot pour mot pratiquement, comparé à la création du monde, toutes les histoires publiques anciennes sont récentes et nouvelles, comme il n'existe pas d'histoire allant au-delà d'environ 4000 ans, il est impossible à l'esprit humain de connaître l'état des années et des nations ayant précédé cette période. On comprend tout de suite que lui, il utilise cet argument pour distinguer la puissance d'analyse et de révélation des deux histoires, l'histoire profane et l'histoire religieuse. Parce que, lorsqu'il continue sa démonstration, la compréhension par l'homme des événements premiers du monde étant insuffisante, ceux-ci sont connus par l'entremise des versets du très-puissant Coran, envoyé par le miséricordieux pour l'éducation des peuples, par les hadiths de la fierté des deux mondes, c'est une référence au prophète Mahomet, par les informations exactes des livres célestes et par les inspirations des saints prophètes, et ne peuvent être connus autrement. Alors bien sûr, on pourrait imaginer la stupéfaction de Voltaire s'il avait survécu à la publication du texte de Charles-Nizindé et qu'il en avait pris connaissance. Il se serait retourné dans sa tombe puisque c'est une inversion directe de toute la logique de son histoire. On reprend le même argument, on le replace sur la tête et en gros, on dit que l'histoire religieuse est la source de toutes les vérités et que l'histoire profane n'est qu'une sorte de description assez aléatoire des événements des simples mortels, tandis que la véritable vérité, l'exactitude, se trouve dans la religion. Autre petit passage, alors qui va dans le sens d'une distorsion localisante, c'est de voir comment il ottomanise le texte de Voltaire. C'est-à-dire qu'il essaye de transformer des exemples, parce que Voltaire fonctionne énormément avec des exemples, il essaye de transformer les exemples de Voltaire en des exemples qui auraient un sens direct pour un lecteur ottoman. Et l'un des arguments de Voltaire, encore une fois, en parlant de l'histoire en général, c'est que si vous faites l'histoire de la France, vous n'êtes pas obligé de décrire le cours de la Seine et de la Loire, les évidences. Vous n'allez pas débiter ce que les gens connaissent déjà, vu que c'est votre lectorat. Mais si vous donnez au public les conquêtes des Portugais en Asie, on exige une topographie des pays découverts. Donc l'exotisme, en quelque sorte, la distance culturelle, justifie que l'on entre dans les détails de ce qui fait cet exotisme afin de le rendre compatible avec l'intellect de gens qui sont focalisés sur leur propre histoire. Alors, Charniza Hadet a une manière assez touchante, assez amusante d'essayer d'établir un parallèle, et ça marche assez bien avec le Nil et le Danube pour remplacer la Seine et la Loire, toute proportion gardée. Après tout, c'est un état d'action ou une monarchie contre un empire, donc il est juste que les fleuves soient mis à la démesure de cet empire. Il est vrai aussi qu'il y a toute la rhétorique ottomane de cette fausse modestie, si dans l'histoire qu'il rédigerait des contrées aux chemins admirables de l'état sublime, votre serviteur devait parler du Nil et du Danube, je ne ressentirais pas le besoin de décrire, etc. Bon, en gros, il dit la même chose. Mais ce qui est amusant, c'est que quand il veut établir un parallèle, donner à son lecteur ottoman un parallèle, une sorte d'équivalence pour l'exemple des Portugais en Inde ou dans l'océan Indien, il va se reporter sur quelque chose de très récent et de très local. La reconquête du Hejaz, des villes saintes d'Arabie, par le sultan actuel, enfin plutôt par Mohamed Ali, le Mehmed Ali Pacha, le gouverneur d'Égypte, celui qui va au fur et à mesure de ses victoires gagner en autonomie, en indépendance et en puissance. Mais c'est une conquête qui est faite au nom du sultan contre les wahhabites, contre les méchants wahhabites qui ont conquis et subjugué les villes saintes de l'islam au nom de leur islam extrêmement puritain, extrêmement dur, jusqu'au point de remettre en question la légitimité de la dynastie ottomane en raison de sa distance avec la religion pure musulmane. Mais cette comparaison est quand même assez surprenante. D'abord parce que chronologiquement, elle est très différente, mais aussi parce que comparer l'exotisme d'une conquête coloniale à la reconquête de ce qui aurait dû être une province familière de l'Empire depuis le XVIe siècle, ça surprend un peu. Est-ce vraiment le désespoir de ne pas avoir de référence d'outre-mer, en quelque sorte, de ne pas avoir une connaissance du monde alentour qui permettrait d'établir un parallèle tout en sortant des frontières de l'Empire? Ou alors, est-ce une sorte d'aveu de l'ostracisme, de l'isolationnisme ottoman, du fait que le monde des Ottomans est plus ou moins circonscrit dans un univers géographique mal défini, où les provinces les plus distantes, et même moins distantes, sont exotiques du fait que on ne les connaît pas. C'est-à-dire que, vu d'Istanbul, l'Arabie, aujourd'hui séoudite, l'Arabie du Hejaz, est une terre lointaine, incertaine, qui paraît tout aussi exotique que l'océan Indien pourrait paraître à des Occidentaux, à des Français, à un lectorat français. C'est probablement les deux. C'est-à-dire que j'avais évoqué lors de l'épisode de l'expédition d'Égypte le fait que la nouvelle de l'expédition, de l'invasion de l'Égypte par Bonaparte ait mis 20 jours à arriver à Istanbul, c'était quand même un phénomène qui dénotait la faiblesse de la logistique pure, de la communication entre ces terres. Donc, il y a un exotisme inhérent à la démesure impériale, et par conséquent, pour beaucoup de gens qui vivent au centre de l'Empire, et le centre de l'Empire, c'est une région qui, en gros, va de la Bosnie à ce qui est aujourd'hui l'Anatolie centrale, c'est là qu'est le noyau dur de l'Empire. Pour ces gens-là, l'Égypte, comme le Hedjaz, sont vraiment des provinces extrêmement distantes, des terres exotiques qui, en gros, rendent le même sens de dépaysement que l'océan Indien pour les Occidentaux. Ensuite, lorsqu'il parle de la Chine, et ce, avec une toute petite introduction sur un phénomène que j'ai souvent évoqué, le fait qu'il n'y a pas de certitude en histoire, que, au mieux, nous ne pouvons que nous rapprocher d'une probabilité, d'une forte probabilité, c'est ce que dit Voltaire déjà en 1765, toute certitude qui n'est pas démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité, il n'y a pas d'autre certitude historique. Donc il est contre certaines théories qui ont été développées dans les années 70, par exemple la cléométrie, où l'on rêverait de numériser l'histoire au point d'atteindre une sorte de certitude en histoire. Je partage cette vision. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette négation de la certitude est transposée dans le texte de Charnisin-Adet. Il est bien connu, dit-il, que de même que ce qui n'est pas établi par l'épreuve de la charia, la loi divine coranique, ou qui n'est pas prouvée et résolue par les sciences mathématiques et par la méthode géométrique, ne peut être que possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a rajouté la géométrie, en se disant que, bon, je vais en remettre un peu, Voltaire ne parle que de mathématiques, il a oublié la géométrie, je la rajouterai. Mais bien sûr, le véritable rajout, c'est la certitude qui provient de la charia. La charia donne la vérité, puisqu'elle est source de vérité, et que par conséquent, elle a le même statut pour un Ottoman que les mathématiques pour Voltaire dans sa vision des Lumières. Et ensuite, Voltaire donne l'exemple de la Chine, le fait que du temps de Marc Pol, alors Marc Pol c'est Marco Polo, au XVIIIe siècle on l'appelait encore Marc Pol, plus français, quand Marco Polo découvrit la Chine et revint de la Chine avec ses histoires faramineuses, personne ne le crut. Mais au fur et à mesure que d'autres furent en Chine et en revinrent avec des informations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, on arrive à une sorte de certitude. Elle est aujourd'hui certaine, dit-il, de cette certitude qui naît de la déposition unanime de 1000 témoins oculaires de différentes nations sans que personne ait réclamé contre leur témoignage. Donc c'est la preuve par le témoignage écrasant du nombre d'observateurs qui se confirment les uns les autres et permettent d'accumuler une connaissance qui finit par avoir valeur de certitude, même si elle ne l'est pas. Alors, pour Charles Nizardet, la Chine et Marc Pol, apparemment, ne sont pas des références extrêmement alléchantes. Et d'autant plus que, d'un point de vue purement réaliste, au début du XIXe siècle, dans les années 1819-1820, lorsqu'il écrit ça, parler de Chine et de la découverte de la Chine et de témoins de la Chine à Istanbul, ça n'aurait pas eu de sens puisque ça ne faisait pas partie, vous vous souviendrez, de la vision qu'avait un autre historien de l'Amérique comme étant une sorte de d'île mythique, l'île de Malikan, fondée par des gens chassés d'Angleterre, etc. Une connaissance qui frise le légendaire, le mythique, et qui par conséquent n'a pas de fondation, de fondement que l'on pourrait comparer avec cette accumulation de témoignages dont Voltaire parle pour la constitution d'une certitude ou d'une quasi-certitude historique. Donc, il se contente de reprendre la même idée en disant que il est inutile de rechercher une certitude complète, à moins qu'une chose soit écrite de manière unanime par un très grand nombre d'historiens de différentes nations et qu'aucun individu n'ait exprimé la moindre opinion contraire. Il dit la même chose. Il dit que, en gros, nous n'aurons pas de certitude, mais en revanche, si une vérité, si un phénomène, si un événement, si quelque chose est répété par des historiens dignes de foi, on finit par se former une idée qui approche de la certitude, d'autant plus si elle n'est pas contredite par d'autres. Seulement, il ressent quand même le besoin de donner un exemple. Et son exemple, il suit. Et là, c'est un rajout, et un rajout assez volumineux, parce que le voici. Et son rajout, c'est tout simplement un exemple de l'histoire ottomane. Il va chercher son exemple dans la bataille de Kosovo de 1389. Cette bataille qui, en gros, scelle le destin des Balkans et met une fin aux prétentions serbes sur les territoires occidentaux des Balkans, cette victoire du sultan Mourad en 1389. Et c'est cela qu'il raconte. Alors, toutes les histoires, tant musulmanes que d'autres nations, se sont accordées pour dire que feu le glorieux ancêtre de Sa Majesté le sultan. Alors, bien sûr, on va glorifier le sultan actuel, Mahmoud II. On comprend mieux, il l'avait déjà fait en parlant du Hejaz, on comprend mieux que Mahmoud ait apprécié ce texte, puisque à tout moment, il y a de la flatterie qui va dans le sens, justement, d'une glorification du sultan actuel. Donc, Mourad Han, premier du nom, que la miséricorde et le pardon divin soient sur lui, lors de la bataille de Kosovo, a remporté une victoire éclatante contre une armée ennemie formée des soldats innombrables des maudites nations alliées avec à peine un dixième de ce nombre d'hommes, ce qui, même expliqué par les raisons évidentes du courage et de la valeur et de l'ordre des unités et des rangs des vaillants soldats du sultan et l'art militaire de ce grand général, eut lieu parce qu'il lui fut octroyé la réussite et la victoire divine à la suite de ses nombreuses prières et de ses humbles prosternations devant le siège du producteur de toutes les causes et du secours de l'esprit et de la bénédiction de la nature spirituelle du Seigneur des prophètes. En gros, ce qu'il dit, c'est que la bataille de 1389 fut une victoire non seulement un haut fait des armes ottomanes, mais aussi une réussite, une preuve éclatante du soutien que Mourad avait reçu de Dieu suite à ses prières, etc. Et il rajoute autre chose, et il tenait la plupart de ses stratagèmes militaires de ses observations auprès de son père, feu le sultan Orhan, qui réside au paradis, et certains d'entre eux, ayant été recueillis et traduits dans diverses langues, ils sont encore aujourd'hui utilisés dans des livres consacrés aux stratagèmes militaires par les guerriers des États francs européens, sous le nom de stratégie du sultan Orhan. pure invention, mais qui va dans le sens de quelque chose que j'avais évoqué lors de notre discussion de des réformes militaires et technologiques, le fait que ces réformes sont généralement soutenues, confirmées et défendues par l'argument que la supériorité des Occidentaux en matière de technologie militaire est en fait quelque chose qu'ils doivent à ce qu'ils ont appris aux Ottomans. Et que par conséquent, cette réforme n'est qu'un juste retour à une primauté, à une domination que les Ottomans avaient du temps des premiers sultans et qu'ils ont perdu par la suite, ce qui justifie la réforme par un retour en arrière, un retour à un paradis perdu en quelque sorte, où tout était mieux parce que les Ottomans étaient plus près des principes notamment religieux mais aussi politiques qui caractérisaient leur état à l'époque. Donc vous voyez que là, de la Chine et de Marco Polo, on est passé à quelque chose qui n'a en fait aucun rapport, puisque la bataille de Kosovo n'a jamais été quelque chose de plus ou moins mythique, donc il n'est pas question d'utiliser le même parallèle pour dire que au début il n'y avait qu'un type qui parlait de la bataille de Kosovo et que maintenant tout le monde l'a vu. Ça n'est pas du tout ça. Et en plus, c'est quelque chose qui va dans le sens absolument contraire de la démonstration de Voltaire, puisque la victoire en elle-même n'est pas un fait humain, mais surhumain ou surnaturel, c'est le fait du soutien de Dieu, et à cela il rajoute la petite remarque à la fin de cette supériorité des armes ottomanes au début de l'Empire, donc pendant les premiers siècles de l'Empire, sur l'Occident. Ces exemples, je crois, suffisent à vous donner la nature du texte de Charnisade. Un certain nombre de questions se posent. C'est une adaptation, et je le disais, qui aurait fait Voltaire se retourner dans sa tombe. Mais est-ce vraiment du plagiat ? Lorsque j'ai publié ça, il y a de cela 2 ans, j'ai appelé ça j'avais posé la question, mais c'était une question, comme on dit, rhétorique, plagiat ou début des Lumières. Parce que pour moi, ça n'est pas vraiment un début des Lumières, puisque l'argument essentiel est celui d'utiliser, de phagocyter en quelque sorte Voltaire pour en tirer quelque chose qui va dans le sens de l'idéologie dominante et de la reconnaissance d'une supériorité ottomane, en particulier sous Mahmoud II. Donc, c'est un plagiat, puisqu'il cache l'identité de son inspiration, et on le comprend bien, puisque nous l'avons vu, c'est un mécréant, il aurait eu beaucoup de mal à faire passer ce texte en reconnaissant qu'il était de Voltaire. Mais plus encore, c'est un plagiat qui est vicié par le fait qu'il dénature complètement la pensée, les écrits de Voltaire pour en faire quelque chose qui est absolument compatible avec le conservatisme ottoman et la domination d'une idéologie fondée sur la religion. Seulement, je reconnais aussi que, mais c'est une question secondaire, je reconnais aussi que appeler cela du plagiat, c'est un peu anachronique, puisque les Ottomans ne pratiquent pas l'usage des sources et de la référence aux sources de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plagions en connaissance de cause parce que c'est du plagiat et que par conséquent, c'est soumis à toutes sortes de punitions. Mais à l'époque, les Ottomans eux-mêmes se citent les uns les autres sans ressentir le moindre besoin de donner une référence concrète, de nommer les sources qu'ils utilisent. Ça fait partie, si vous voulez, de leur culture que d'utiliser ça. Et pour une raison qui est évidente, et ça n'est pas du plagiat, c'est parce que le lecteur, en général, connaît ses sources. Et que par conséquent, même si on ne s'y réfère pas, il est généralement assez clair, et franchement, on ne parle pas d'une masse documentaire épouvantable, on reconnaît en général d'où viennent les idées, et par conséquent, ça n'est pas vraiment du plagiat. En revanche, dans le cas de Voltaire, Étant donné que Voltaire n'est pas connu et qu'il n'appartient pas au répertoire intellectuel, scientifique, littéraire des Ottomans, on ne peut pas invoquer cette explication d'une connaissance, d'une familiarité avec ces textes et par conséquent d'une reconnaissance de l'inspiration sans avoir à la citer directement. Donc, encore une fois, ça va plutôt dans le sens du plagiat. Mais quand même, pourquoi aller plagier Voltaire? Et c'est là, je crois, que réside la question de base. Après tout, c'est un bon ottoman, et son texte, c'est-à-dire son histoire elle-même, est extrêmement conservatrice. Elle va se nourrir de la plupart des clichés historiographiques dont les Ottomans se sont servis depuis le XVe, XVIe siècle. Et par conséquent, elle n'innove pas vraiment par l'écriture de l'histoire, contrairement à sa préface. De plus, il n'y a pas vraiment de changement idéologique dans la manière dont il perçoit les événements. Il est très anti-occidental. Sa vision de la Révolution française, de la période napoléonienne, de l'influence de l'Occident, etc., malgré le fait qu'il se soit engagé si systématiquement dans des ouvrages de traduction de Frédéric de Prusse et de certains textes médicaux, ne l'empêche pas d'adopter, et je crois sincèrement, une prise de position extrêmement conservatrice. Mais alors, pourquoi aller chercher Voltaire? Pourquoi cette fascination? Je crois que nous n'aurons jamais de réponse à cela, d'autant plus que nous ne savons pas comment il a eu accès à Voltaire. Ce n'est pas très compliqué. On sait qu'il était en contact avec des gens des représentations diplomatiques à Constantinople, donc il lui suffit d'un contact avec tel ou tel droguement ou tel diplomate pour obtenir un volume de l'encyclopédie ou une version bien postérieure de ce texte qui a été remanié jusque dans les années 1820. Mais pourquoi ? Pourquoi cette fascination ? Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Edem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident », aujourd'hui, vers de nouveaux savoirs et les défis du nouvel ordre. Pourquoi ? Pourquoi cette fascination ? Et je crois que c'est encore une fois quelque chose qui va dans le sens de cet écartèlement, ce tiraillement des Ottomans au début du XIXe siècle entre la passion et la fascination pour l'Occident et la réalisation qu'il y a là quelque chose qui doit être exploité et d'un autre côté ce rechignement, ce désir de se renfermer et de ne pas se laisser conquérir par quelque chose que l'on considère être étranger et incompatible avec sa propre philosophie, sa propre moralité, sa propre religion. Ce tiraillement constant entre les deux. Donc, est-ce vraiment un nouveau savoir ? Est-ce que Shahrazadeh a vraiment appris quelque chose de nouveau en parcourant le texte de Voltaire et en le triturant de la manière ? Je ne crois pas. Et je pense surtout que le problème est que ce texte n'a jamais été reconnu comme un plagiat. Ahmed Cevdet Pasha, le grand historien de la seconde moitié du XIXe siècle, lui consacrera une partie de sa propre mukaddime, de sa propre introduction. Il ira chercher, il recopiera tout simplement toute la mukaddime de Shahnizadeh dans son propre texte. Sans commentaire, mais on comprend bien que si il la reprend à son compte, c'est qu'il l'appréciait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus frustrant, encore plus désolant, c'est de savoir que ce plagiat était inconnu jusqu'en 2015. Ça va dans le sens, si vous voulez, un peu de ce que j'avais évoqué dans cette histoire mythique de l'Amérique, où aussi nous avons une édition critique de l'histoire de Omer Jarabi Effendi, où l'auteur de cette édition critique ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'était cette île de Malikane, et par conséquent, le texte a été conservé tel quel. De même ici, Pérou, Tlaxcala, etc., sans même une note en bas de page où l'auteur de l'édition critique s'interrogerait simplement sur le pourquoi de ces références évidemment occidentales. Et c'est d'autant plus navrant que ce qu'on appelle une édition critique dans un contexte d'histoire turque aujourd'hui, ça se résume en fait à un exercice de zèle philologique où vous aurez toutes les variantes, si vous avez plusieurs éditions, plusieurs manuscrits, toutes les variantes des terminaisons de tel mot selon telle ou telle version du manuscrit, ce qui, à mon avis, est totalement inutile, puisque ce n'est pas vraiment de la littérature. Et malgré toute cette profusion de notes en bas de page sur la forme, le contenu n'est absolument pas analysé. Donc là, vous avez une stérilité, une incapacité, une incompétence historiographique qui est épouvantable. Et ceci, bien sûr, nous fait supposer que ces deux textes, puisque ce sont ceux que j'ai évoqués, ne sont pas les seuls à avoir été si mal traités. Et que par conséquent, si l'on se penchait sur d'autres textes de la période, voire même des décennies à venir au XIXe siècle, nous trouverions plein d'indications, d'inspirations, d'emprunts, de copies, de plagiat, de ceci ou de cela, qui, à mon avis, nous permettraient de dire bien plus de choses que si nous considérons ces textes comme des textes finis et produits par un certain milieu intellectuel. Tout texte est un procès, et par conséquent, si l'on arrive à creuser dans la généalogie, dans l'archéologie de ce texte, on est sûr de tomber sur des indications qui, sans nécessairement amener une réponse à quoi que ce soit, permettent en tout cas de poser des questions. Pourquoi Shahnizadeh a-t-il choisi de traduire ou d'utiliser un auteur dont il est clair qu'il détestait tous les éléments de base, toutes les pensées les plus profondes? Et je crois que la réponse, c'est justement, la réponse ou une tentative de réponse, c'est justement ce tiraillement. On veut dominer, utiliser cet élément étranger, on veut essayer de le contrôler parce qu'on le craint et que par conséquent, on n'est pas capable de le traiter sans état d'âme, il faut le traiter avec justement tout cet appareillage de réaction, de contre-argument pour essayer de mettre un frein à son impact. Donc, d'un certain point de vue, c'est un aveu d'impact, c'est un aveu de l'influence que l'Occident, même s'il est mal compris, même s'il est dénaturé, finit par avoir sur ses pensées. Et la question, bien sûr, je vous avais dit, la question est de savoir pourquoi, comment mettre en rapport ce phagocytage assez violent d'une tradition occidentale plutôt que d'un développement d'une tradition locale qui existait depuis quelque temps. Et c'est pourquoi je vous avais dit que le titre même de sa préface, Mon 4 mai, était significatif, puisque c'est le texte de base par lequel on a connu la valeur du plus grand historien, sociologue arabe, musulman de tous les temps, Ibn Khaldoun. La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, c'est un texte qui aujourd'hui est reconnu comme un des fondements de la science historique, de la sociologie, de l'économie même. C'est un texte qui est reconnu par le monde entier et par l'Occident comme étant un texte excessivement important. Et ce qui, d'un point de vue de l'histoire ottomane, est intéressant, c'est de savoir que ce texte a été découvert, à notre connaissance, par les Ottomans. C'est-à-dire que nous voyons des traces de cette philosophie Ibn Khaldounienne déjà au XVIe siècle dans le texte de Kemal Pachazadeh. En gros, il y a trois éléments qui sont révélateurs d'une vision Ibn Khaldounienne dans des traités politiques ou historiques. Premièrement, c'est l'idée des stades de développement des sociétés humaines, et notamment cette distinction entre les sociétés nomades et les sociétés sédentarisées, donc une idéologie, si vous voulez, de la civilisation. L'autre est cette idée de l'évolution des États par phase, c'est-à-dire cette métaphore un peu biologique de la naissance, la maturation, l'apogée et ensuite le déclin. Quelque chose que les Ottomans commencent à évoquer dès le XVIIe siècle. Ils ont une tradition littéraire, politique du déclin. Et souvent, elle s'inspire directement de la philosophie d'Ibn Khaldoun. Nous savons que Karatip Chelebi, le polymathe, l'encyclopédiste que nous avons déjà vu, notamment à travers ses rééditions du XVIIIe siècle, Karatip Chelebi est un des premiers à utiliser Ibn Khaldoun, à le nommer, bien avant que l'Occident ne s'empare de cet auteur comme d'un des fondateurs de l'histoire et de la sociologie. D'ailleurs, Karatip Chelebi n'est pas le seul. L'historien Naïma, lui aussi, utilisera Ibn Khaldoun. Donc, d'un certain point de vue, les Ottomans ont fait pour Ibn Khaldoun, pour un texte qui était pendant une période complètement oubliée, ont fait un peu ce que les Arabes ont fait pour les textes grecs au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils les ont réutilisés, et c'est là que des gens comme Barthélemy d'Herbelot et ensuite Sylvestre de Sacy vont s'emparer de ce texte pour le traduire en français et l'introduire, l'intégrer dans les connaissances occidentales. Donc les Ottomans ont joué un rôle important dans la transmission de ce savoir. Et Shahanizadeh lui-même a bien des éléments qui nous font dire qu'il épousait en gros une vision de l'histoire et de la chose politique qui s'inspirait directement d'Ibn Khaldoun. Seulement, le problème, justement, c'est que, apparemment, Ibn Khaldoun ne leur suffit plus. Ibn Khaldoun représente une sorte de cliché, puisqu'ils ne travaillent pas directement sur Ibn Khaldoun, à partir d'Ibn Khaldoun, mais ils se servent, en général, de produits dérivés, c'est-à-dire de Naïma ou de traductions postérieures d'Ibn Khaldoun pour nourrir le conservatisme ottoman. Ça n'est plus vraiment une contribution intellectuelle originale. Et ils sont beaucoup plus attirés, semble-t-il, par la nouveauté de cet Occident qui leur offre des textes innovateurs, des textes problématiques, mais des textes qui sentent bon le progrès. Et c'est ce contexte qui paraît assez intéressant et qui, je crois, dénote en grande partie l'un des problèmes majeurs de l'occidentalisation et de la modernisation ottomane, c'est qu'elle se fait au détriment de l'accumulation locale des savoirs. C'est-à-dire que, au cours du XIXe siècle, de plus en plus, les Ottomans vont commencer à oublier, dénigrer, ne plus utiliser les sources de leur propre culture qui perdent de leur attrait et de leur puissance en raison du remplacement du canon scientifique, du canon intellectuel par des références occidentales. Ceci est un exemple d'une publication d'un ouvrage de Katip Çelebi datant de 1655. C'est Irşadül Hayara ila Tarih Yunan ve Rum ve Nasara. Donc, un guide pour les perplexes de l'histoire des Grecs, des Romains et des Chrétiens. Un livre où, vous le voyez tout de suite, l'auteur sait distinguer un Grec d'un Romain. Et par conséquent, est capable de donner une histoire très courte, très synthétique de l'Occident, pratiquement la seule que nous ayons à cette époque-là, et qui par la suite est en grande partie oubliée, et qui n'aurait vraiment pas attiré l'attention si elle n'avait pas été republiée en 2012, très récemment, par un historien. Donc vous voyez qu'il y a là une tradition locale qui, en quelque sorte, s'évanouit, qui disparaît, qui s'oublie, qui se perd face à l'irruption d'un nouveau canon, d'une nouvelle norme, de nouvelles sources intellectuelles, parfois complètement dénaturées, mais qui finissent par remplacer dans la légitimité le fondement même des savoirs dans l'Empire ottoman. Donc, en quelque sorte, une sorte d'ironie, la question que je posais tout au début de savoir s'il y avait vraiment un renouveau des savoirs ou si l'on allait vers de nouveaux savoirs, oui et non, c'est-à-dire que non, puisque ce que Charnizade fait est de la très mauvaise histoire et que par conséquent il dénature la source dont il s'inspire, mais d'un autre côté, il participe plus ou moins consciemment à un processus de transformation qui, au fur et à mesure, va forcer les Ottomans à remettre en question, voire même à oublier leurs propres sources, pour les remplacer par des emprunts. Et le problème de fond, c'est que ces emprunts ne seront pas forcément toujours bien faits. Et que souvent, tout au long du XIXe siècle, la transmission des savoirs occidentaux se fera à peu près de la même manière que Shahanizadeh, j'exagère un peu, mais de la même manière que Shahanizadeh retransmettait les pensées de Voltaire en les dénaturant complètement et en les adaptant à un contexte beaucoup plus conservateur qui se nourrissait de cela pour justifier ses propres transformations. La transformation de l'État au XIXe siècle, cette modernité extrêmement violente qui prendra le pas sur les transformations des années 1820, va fortement se nourrir de cette nouvelle tendance, celle d'interpréter à sa guise les sources d'une littérature, d'une science, d'une connaissance qui est peu familière, mais que l'on va très vite adapter aux besoins locaux de l'État et de la société. Vous savez que j'ai tendance à aimer les petites digressions, et cette fois-ci, j'en ferai une toute courte concernant la question de la pérennité de certaines idées et de certains auteurs, de certaines sources dans l'Empire ottoman, ou le problème, justement, d'un manque de pérennité. Notamment, j'avais parlé de Ibn Khaldoun. J'avais dit, n'est-ce pas, que Ibn Khaldoun, en parlant de Shahanizadeh et sa découverte, entre guillemets, de Voltaire, j'avais évoqué le fait que ce qui était navrant, c'est que les Ottomans, au XVIIe siècle, avaient découvert Ibn Khaldoun et que au début du XIXe, je ne dirais pas qu'ils l'avaient oublié, mais en tout cas, ils l'avaient mis de côté, et Shahanizadeh s'était tout d'un coup entiché pour Voltaire, qu'il trouvait beaucoup plus intéressant parce que c'était l'air du temps. Et même s'il défigurait complètement ce texte, il se lançait dans une nouvelle voie en ce qui concerne l'historiographie et la pensée politique. Et je vous avais dit donc qu'à la fin, les Ottomans allaient redécouvrir Ibn Khaldoun par le biais de l'Europe qui avait emprunté Ibn Khaldoun aux Ottomans. Et c'est cette ironie, en quelque sorte, que je voudrais souligner avec un petit détail que j'ai trouvé en téléchargeant un exemplaire de la Mukaddima, de l'introduction, de la préface des prolégomènes de d'Ibn Khaldoun en turc, daté de 1860, et qui, grâce à cette note marginale, me permettent de contextualiser justement ce que je disais. Donc c'est une édition de 1860 environ, et l'heureux possesseur de cet exemplaire est un certain Muallim Cevdet, un intellectuel et historien du début du XXe siècle. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette petite annotation dans la marge, où, en gros, il dit, alors en turc, « Sociologie ilmine dair nazarlar, nam kitabın sonunda İbn Haldun mukaddimesi üzerine mühim fasıl yazan Gumplovic'in bu eserini okumak lazımdır. » Et ensuite, il transcrit en français, comme vous le voyez, « Aperçu sociologique par Gumplovic, éditeur malouane. » Et je traduis, il faut lire l'ouvrage de Gumplovic qui, à la fin du livre intitulé « Regard porté sur la science de la sociologie », c'est une traduction, si vous voulez, de « Aperçu sociologique », a écrit un chapitre important sur la Mukaddima d'Ibn Khaldoun. Et effectivement, Gallica vous fournit immédiatement le livre en question. Ce sont donc les aperçus sociologiques de Gumplovic, une traduction française qui est parue en 1900, où le dernier chapitre, le chapitre 11 de ce livre, est consacré à, je lis directement le titre, un sociologiste, à l'époque on disait sociologiste, arabe du XIVe siècle, parlant d'Ibn Khaldoun. Si vous voulez, ce que je voulais souligner ici, c'est ce phénomène de cette occidentalisation qui finit par vous faire oublier ce que vous connaissiez il y a à peine un siècle et qui s'estompe derrière la présence beaucoup plus forte d'une pensée, d'une idéologie, d'un discours, d'une rhétorique occidentale qui commence à remplacer les sources qui vous étaient plus familières. Donc c'est simplement une petite parenthèse que je voulais ouvrir et refermer pour illustrer mes propos en début de présentation. Du Collège de France, vous venez d'écouter Edem Eldem les 9 et 16 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui vers de nouveaux savoirs et les défis du nouvel ordre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Edem Eldem l'exploration des rapports entre l'Empire ottoman et l'Europe. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.